Voilà, eh bien j'ai devant moi, devant les micros, une brochette d'étudiants de Tours et d'Annecy. Bonjour. Bonjour. Une brochette d'étudiantes, j'aurais dû dire en écoutant les voix. Alors, eh bien je sais pas, on va parler un petit peu de nos expériences du colloque, enfin des rencontres, ou des vôtres, ou de. Allô David. Ils sont. Ça va? Qui se jette? Ça fait du bien d'être ici. Ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui sont ouvertes, qui sont très intéressantes. Et y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à échanger. C'est très riche. Riche d'échanges. Tout le monde On est d'accord. On est bien vous d'accord. Avez le droit de ne pas être d'accord entre vous. Si, je trouve qu'au niveau. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est de plein de générations différentes. Donc, on a aussi eu une approche du son qui est différente. Et ça se ressent dans certains projets, dans certaines discussions. Je trouve que ça, c'est assez intéressant qu'on puisse vraiment mélanger des univers et des générations. Donc, nous, on est contents. Ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, ça vous manque l'intergénérationnel ou. Personnellement, je passe mon temps avec des personnes âgées, bon, donc alors. Pas du tout. Mais j'aime ça, donc c'est bien que là, ce soit un lieu aussi où on nous le permette. Et puis de rencontrer d'autres étudiants d'autres écoles aussi, c'est intéressant. Même si on est surtout là en observateur, il se passe des choses. Mais là, vous n'êtes pas un observateur puisque vous me parlez, donc. Certes. Il y a aussi ce qui est intéressant et ce que j'ai aimé apprendre pendant ce colloque, c'était toute la dimension politique, empathique et artistique du son, qui se limite pas juste à écouter ou entendre, mais à analyser et agir, voilà. C'est quoi pour vous la dimension politique du son, justement? C'est un sujet intéressant. Un sujet super vaste aussi là. Oui, on part peut le sur un dans truc un de. Ah là là. Je pense que c'est comme toute création, elle peut être politique ou non. Après, elle peut être. Comme toute création, elle est multiforme. Elle peut avoir juste un but informatif, un but de réflexion, un but de débat. Je pense que le son, c'est la meilleure manière de faire passer un message. Et en politique, la politique est basée sur un peu l'influence et la propagande. Donc la meilleure manière d'influencer, je pense, c'est avec le son. Alors c'est la meilleure manière pour le meilleur et pour le pire, alors si on parle de propagande. Oui, la meilleure ça manière. Ça peut être idéologique. Voilà, la meilleure manière d'influencer, quoi. Parce que je pense que la première chose qu'on fait, c'est d'écouter avant de voir. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est intéressant justement. Une controverse. Non, parce que le son. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à l'ouïe, il y a des gens qui vont être plus sensibles à la vue. Moi je sais que j'ai plutôt tendance à m'accrocher avec le regard qu'avec les oreilles, quoi. Oui, mais moi ce que je voulais dire, c'est que par exemple, un politique, on va plus avoir tendance à écouter ce qu'il dit que de le regarder, tu vois. Moi je le lis beaucoup. Ouais, la politique. Le côté on écoute vraiment ce qui se passe. Moi je crois aussi que maintenant, en tout cas en politique, dans ce qu'on peut nous montrer, il y a justement beaucoup de visuels, beaucoup d'attachement à l'apparence, à la gestuelle, plein de choses comme ça. Et du coup, je crois justement c'est hyper dommage, mais qu'on n'est plus assez attentif au son et trop au visuel justement. Genre parce que enfin moi je vois au niveau justement générationnel, on retombe là-dessus. Moi ma grand-mère par exemple me dit a pu me tenir des discours sur Macron en mode putain mais il est trop éloquent, il est trop beau, il est jeune, il est vif. Mais après le discours qui suit derrière, on l'écoute plus, tu vois. Et moi justement je trouve ça dangereux. Je trouve ça hyper dangereux le côté on n'écoute plus le son et on s'en sert du son aussi. On s'en sert des mots et tout ça et ça a une portée justement bien plus importante qu'on ne l'aperçoit, je pense. Voilà. Ça veut dire que ce genre de rencontre et de paysage inouï, c'est en vrai aussi apprendre les choses avec prudence. Ouais, et à réapprendre aussi, je pense, à écouter, ouais. À être attentif. Ouais, voilà. Alors, écouter et entendre, qui sont deux choses distinctes. En quoi elles sont distinctes alors? J'ai joué le professeur là. Pour moi, entendre, c'est quelque chose qui vient à nous. On va pas forcément chercher à à analyser tout ça et écouter, on va se plonger dans quelque chose, on va vraiment avoir une action d'attention, alors que l'entente, notre attention, elle n'est pas forcément focalisée dessus. D'accord, oui. Il y a le subi et le volontaire. C'est ça. Mais en subi, c'est pas forcément négatif. Ça peut être super d'entendre quelque chose. Le passif et l'actif, on va dire. C'est ça. Il y a quelque chose, oui, de passif et d'actif. Et j'admets que ce matin, j'ai beaucoup entendu, plus qu'écouté. Même si c'était des choses qu'on aurait dû écouter, il y a quelque chose. Enfin, voilà. Des fois, on n'arrive pas à écouter et on fait que entendre. Et vice versa. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui se font influencer alors qu'ils ont juste entendu. Parce qu'ils sont pas forcément alertes et qu'ils ont pas forcément lu, tu vois. Et lorsqu'on assiste aussi à des conférences toute la journée, pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, on peut se sentir noyé aussi dans toutes les informations, la richesse de tout le contenu, et on n'entend plus, quoi. Il y a aussi une fatigue de l'attention, cérébrale, de l'attention portée, oui. Ouais, c'est fatigant. Bah, c'est assez symbolique, je trouve. On écoute souvent de la musique en groupe. Et hier, on ne voulait pas mettre de musique, quoi. Et c'est quand même pas rien. Même ce matin, on n'a pas mis de musique. On était en mode, non, on a assez entendu, assez écouté. Le silence, le silence, quoi. Oui, oui. Bah, c'est une bonne forme de résistance, en fait. Il y a aussi la dimension de se réapproprier ce qu'on entend. Commencer à analyser un peu ce qui se passe autour de nous et ça on a tendance à l'oublier. Enfin, personnellement, avant ce colloque, j'avais complètement oublié tout ce qui se passait autour de moi, tous les sons, même si j'ai tendance à remarquer le moindre petit bruit, je vais pas l'intérioriser, je vais pas le ressentir comme après avoir fait la balade sonore de mercredi, par exemple. Ah oui, je l'ai raté, celle-ci. Non, je dors. Il pleut. Mais, là, est-ce qu'on l'entend ou on l'écoute, la pluie? Je ne sais pas. Mes micros n'aiment pas trop ça. Mais en tout cas, merci de vos réactions à chaud, même s'il ne fait pas très chaud. À pluie. À pluie. À pluie sur le bouton. Stop.